La chronique de pêche de Claude Roy est une présentation de la pourvoirie du Lacoski. Pour une expérience en forêt à 200 km au nord du lac Saint-Jean, la pourvoirie du lac Oski vous offre une pêche réussie. Pour information sur nos différents forfaits, visitez le site internet au lac-oski.com. On va parler avec notre ami Claude Roy de pêche. Salut Claude! Bonjour! Claude, évidemment, tu veux parler aujourd'hui des hauteurs d'embarcation. D'embarcation, parce que apparemment que c'est très dangereux, ça. Oui, bien des fois, les gens viennent nous voir en magasin pour choisir une embarcation, puis ils vont toujours en disant, ouais, mais nous autres, on fait du portage, puis on va dans des endroits difficiles, puis ça ne nous prend pas des gros chaloupes. Puis... Mais le problème, c'est qu'ils vont y aller quand même avec deux, trois personnes ensemble, et que là, la chaloupe dans laquelle ils vont tous embarquer va être vraiment trop petite pour leurs besoins. Et là, on est en début de saison, mais tu vas voir ce qui va arriver dans les prochaines semaines. On va avoir entendu parler de noyades, de personnes qui ont justement perdu leur embarcation parce qu'il y avait trop surchargé l'embarcation. Donc, moi, je vous dirais que il y a une embarcation, même si tu connais pas ça, Danny, une embarcation qui s'appelle un John Boat. Okay. John, J-O-N-B-O-A-T, donc un John Boat. C'était aussi ce qu'on appelle une embarcation pour la chasse au canard. Mm. Et cette embarcation-là a juste 15 pouces de haut. Donc, c'est vraiment très, très, très bas comme embarcation. Puis, bien, des fois, les gens, pour être plus confortables, vont se mettre un gros siège. Et okay. Là, ils viennent dépasser le seuil de la stabilité de l'embarcation. Il faut qu'on soit toujours le plus près possible du niveau de l'eau. Et quand on a une embarcation qui est trop basse, qu'on met un siège par-dessus, on vient trop haut au niveau de l'eau, et à ce moment-là, ça devient dangereux. Un autre phénomène aussi qui est bien important, c'est que le beau-frère, qui est plus pesant que les autres, ne va pas l'asseoir dans le devant du bateau. C'est l'endroit le plus, surtout quand on prend une chaloupe conventionnelle, on dit, va t'asseoir dans la pointe du bateau, et on va aller mettre la personne la plus légère dans la pointe du bateau. On n'ira pas mettre le beau-frère qui pèse 300, avec les gréments de pêche en plus, on essaie de le garder central au milieu du bateau, puis on va mettre la personne la plus petite en avant. Pourquoi? Parce que justement, si on met la personne la plus pesante en avant, la pointe n'a pas la stabilité du derrière du bateau. Et bien des fois, le beau-frère qui va avoir invité la gang, lui, il pèse 125 livres rouillés, alors que l'autre beau-frère va peser 300 en avant. Donc, il faut que ce soit l'inverse. Il faut vraiment que tu l'assoies au centre pour être sûr que le bateau va avoir une belle stabilité dans l'eau. Tu vas dire, c'est vraiment anodin comme conseil de pêche, mais c'est vraiment très important parce que on va avoir, malheureusement, des accidents de pêche en début d'année. Et comme l'eau de ce début d'année est très, très froide, mais là, on parle d'hypothermie, puis on parle des fois des gens qui vont aller faire du portage sur des lacs un peu plus éloignés. Okay. Puis là, ben, quand tu t'es tout mouillé, t'as plus d'allumette, t'as plus rien, puis t'as fait un feu, les soirées sont pas nécessairement très chaudes, fait que ils n'aimeront pas leur première expérience. Donc, c'est bien important, si vous achetez une embarcation, regardez la profondeur de l'embarcation. Et ce que vous devriez regarder, c'est minimum 21 pouces de grandeur d'embarcation. OK. C'est pas juste une marque qui a ça par rapport à l'autre. Vérifiez, ça prend au moins 21 pouces, ce qu'on appelle du franc-bord, c'est-à-dire la hauteur de l'embarcation, 21 pouces. N'allez pas mettre des sièges qui sont trop hauts par-dessus de ça pour être confortable. Il y a des bancs qui sont vendus, on appelle ça des bancs de parc, que vous allez acheter dans n'importe quel magasin de chasse à pêche et qui vont vous donner un très, très bon confort, un bon support pour le dos et qui vont faire le travail quand on veut se mettre un banc plus confortable dans une embarcation d'aluminium. OK, OK. Donc, ça fait pas mal le tour pour cette semaine? Ça fait le tour pour cette semaine, mon ami. Salut de Claude Roy qui nous parle de pêche.